grand compositeur, Marc Dumont. Cette semaine, Palestrina, prince de la musique. Bonjour et bienvenue, une émission qui est la troisième consacrée à Palestrina. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la papauté rayonnante. Alors, je le disais hier, en musique, Rome vaut bien quelques messes. C'est comme ça que Palestrina avait compris les choses. Et plus tard, je dirais une quinzaine d'années après la mort de Palestrina, lorsque Monteverdi a offert au pape, en 1610, ses Vêpres de la Vierge, on sait que Monteverdi a fait précéder cela d'une messe dans le style ancien de Palestrina. Et pour cause, parce que Palestrina a quand même sillonné le siècle, marqué la polyphonie, lui qu'on appelait le prince de la musique, hein, c'est ce qu'indiquait, je vous le rappelle, la plaque fixée sur son cercueil. Et puis c'est vrai que Victor Hugo avait parlé du père de l'harmonie beaucoup plus tard, 300 ans plus tard. Voilà pour, je dirais, donner l'atmosphère. Mais l'atmosphère est vraiment religieuse, le père de l'harmonie peut-être, mais au service de la papauté. So proud. pas sûr qu'on aurait envie aujourd'hui d'interpréter ce « Tu es Petrus, tu es Pierre, et sur cette pierre que je bâtirai mon église », signé Palestrina, de la façon que nous venons d'entendre à l'instant sur France Musique. Le chœur de la cathédrale de Regensburg, dirigé il y a près de 50 ans par Hans Schrem. Ce que j'aime bien finalement dans cette émission de grands compositeurs pour vous, c'est d'aller chercher parfois des interprétations différentes. Comme ça, ça permet d'entendre, je trouve, d'éclairer différemment soit une même partition, soit un compositeur avec différents genres d'interprétation. Vous allez entendre dans un instant l'ensemble Stile Antico, une quarantaine d'années après ce que nous venons d'écouter, le chœur de la cathédrale de Regensburg. Et vous verrez, bien évidemment, vous entendrez à quel point il y a des différences de style. Retour à celui qui est notre grand compositeur, à Palestrina. Alors, je vous le disais, il a une relation quand même particulière et très étroite avec la papauté. Figurez-vous que lorsqu'il avait 25 ans, Palestrina, il ne s'appelait pas véritablement Palestrina, mais Giovanni Pierluigi. Palestrina, c'est la ville d'où il vient. Et en fait, lorsqu'il avait 25 ans, l'évêque de la ville de Palestrina est élu pape, sous le nom de Jules III. Et alors, eh bien oui, il se connaissait déjà. Et Jules III connaissait les capacités musicales de Palestrina, c'est pourquoi, très vite, il le fait venir à Rome. C'était son ancien organiste quand même. Eh bien, le voilà qui lui confie le poste de maître des enfants de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et puis ensuite celui de chanteur de sa chapelle particulière. Et Palestrina lui a dédié d'ailleurs son premier livre de messe quelques années plus tard. Voilà, le décor est planté. Palestrina et le pape, c'est une relation extrêmement proche. Remarquez, vous allez entendre ici peut-être l'ensemble Stile Antico, mais j'ai choisi une œuvre qui n'est pas de Palestrina, un Ego Flos Campi, signé Jacob Clemens. Lui, il a l'originalité et peut-être aussi l'humour de s'appeler Clemens non papa, je ne suis pas pape. Musique planante, plus planant, ça paraît un peu compliqué, hein. En fait, il y a une simplicité dans cette polyphonie qui n'est pas signée Palestrina, pas du tout. Vous écoutiez, interprété par l'ensemble Stile Antico, Ego Flans Campi, signé Jacob Clemens ou Jacques Clément, mais pas le pape, puisque son nom latin, c'est Jacob Clemens non papa. On écoute religieusement, comme dit ma chère réalisatrice Agnès Catou, j'espère que vous faites la même chose, mais le tout peut-être avec un contre-pied. Pourquoi ? Parce que je vous propose une série d'émissions sur, je dirais, un représentant de l'Italie polyphonique, hein, de la polyphonie du XVIe siècle, à savoir Palestrina, et je vous emmène du côté du Nord, du côté des Flandres, avec Clemens non papa. Parce que, aussi, il faut signaler que lui, contrairement à la plupart de ses contemporains, n'a jamais voyagé en Italie. Il semble que ça explique un peu l'absence d'influence italienne dans sa musique. Et puis pour une autre raison, contre-pied, parce que effectivement aujourd'hui le thème de notre émission autour de Palestrina, c'est la rayonnante papauté, et on se demande un peu pourquoi Jacob Clemens s'est fait appeler non papa. Peut-être parce qu'il y a un pape qui s'appelait Clément VII et qu'il ne voulait pas qu'on le confonde avec Clément. Alors, une façon de dire, c'est pas moi le pape. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on le confonde avec un poète, Jacobus Papa. Et oui, il a existé. Mais peut-être aussi qu'il avait, en adoptant ce nom, souhaité montrer quelques sympathies protestantes, hein, pour bien dire, non, moi, j'écris de la musique polyphonique religieuse, certes, mais pas du tout du côté romain. Là encore, nous retrouvions une musique complètement hors du temps, finalement, hors du monde, complètement planante, Pater Peccavi, de Jacob Clemens Non Papa, par les Thalys Scholars, dirigés par Peter Phillips. C'est d'ailleurs une musique, je trouve, où il y a un contraste absolument incroyable entre cette impression comme ça de tranquillité, d'apaisement que procure la musique elle-même, et puis le texte qui parle finalement d'un pêcheur et qui regrette d'avoir pêché auprès de son père, enfin auprès de Dieu. Laissons, si vous voulez, celui qui avait une quinzaine d'années de plus que Palestrina, pour retrouver sur France Musique notre grand compositeur Palestrina. Laissons donc Clemens Non Papa, celui qui a été maître de la chapelle à la cour de Philippe de Croix. C'était un général de Charles Quint, là-bas, du côté de la Flandre, au XVIe siècle, dans le premier XVIe siècle, pour retrouver Palestrina, qui à partir, je dirais, du deuxième XVIe siècle, autrement dit à partir des années 1550, se trouve définitivement, parce que toute sa carrière, il la fera auprès d'eux, auprès du pape, et ensuite auprès des papes. 11 papes, hein, il a servi 11 papes, Palestrina. Et je vous propose ici son Stabat Mater, une partition je dirais à l'architecture extrêmement complexe, hein, et une partition dont l'histoire est assez étonnante parce qu'elle dit beaucoup sur l'influence de Palestrina sur les siècles qui ont suivi. On sait que Palestrina, par exemple, fascinait un compositeur comme Bruckner, et on sait que, si vous étiez à l'écoute la semaine dernière, j'ai consacré une semaine entière à Richard Wagner. Eh bien, Wagner aussi était attiré et subjugué par la polyphonie, par l'écriture de Palestrina, au point que Richard Wagner a donné à la ville de Dresde la partition que vous allez entendre, la partition du Stabat Mater de Palestrina. Le voici par le Taverner Consort, dirigé par Andrew Parrott. Thank you. Stabat Mater, double chœur, 8 voix, Stabat Mater de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Je vous le disais, pour aujourd'hui sur France Musique, je vous emmène particulièrement très loin, très très loin, sur les ailes d'une musique hors du temps, d'une musique qui pourrait faire penser aux coupoles des églises romaines en train de se construire et du baroque en plein essor justement. Nous étions ici avec le Taverner Consort dirigé par Andrew Parrott. Palestrina, lorsqu'il a 25 ans, je vous le disais tout à l'heure, est appelé par le nouveau pape Jules III, et Jules III, quelques années plus tard, en 1555, le fait membre de la chapelle Sixtine. Seulement voilà, Jules III décède, la même année c'est un autre pape qui est nommé, Paul IV, qui congédie immédiatement Palestrina. Pourquoi ? Parce qu'il invoque simplement une règle qui est celle du célibat, alors que Palestrina, lui, est marié. Alors le voilà devenu maître de chapelle de l'église Saint-Jean de Latran. C'est quand même une des églises les plus importantes de Rome à l'époque, et il y est demeuré pendant quelques années. Ensuite, il est nommé, je l'évoquais déjà hier, à Sainte-Marie-Majeure. Vous voyez que nous restons dans la Rome de la Contre-Réforme, et puis encore une fois, dans la Rome qui travaille en liaison avec l'Italie du Nord et avec Trente, avec le Concile de Trente, qui travaille à repousser, bien sûr, le protestantisme et toute cette contestation, parfois violente, qui se fait jour en Europe. Et la musique a toute sa part dans ce cadre-là. La musique, qu'elle soit signée Palestrina, ou comme ici, Felice Anerio, Giovanni Bernardino Nannino, Ruggiero Giovanelli, 3 œuvres que je vous propose par le chœur de l'abbaye de Westminster. trois œuvres italiennes de trois compositeurs italiens. C'était des compositeurs qui, je dirais, étaient vraiment les cadets de Palestrina, notre grand compositeur de la semaine. Vous écoutez France Musique, vous écoutiez le chœur de l'abbaye de Westminster, dirigé par Simon Preston. Et pour commencer, c'était le Venite ad omnes de Felice Anerio, et puis ensuite Haec dies en séjour, signé Giovanni Bernardino Nannino et Ruggiero Giovanelli, qui nous donnait cette partition lumineuse, Jubilate Deo. Si vous voulez retrouver d'ailleurs toutes les références des partitions que vous entendez, des œuvres qui vous font, j'espère, vraiment planer aujourd'hui, il suffit d'aller sur le site internet de notre émission Grand Compositeur en passant par francemusique.com et là vous aurez toutes les références des liens internet du côté de Biographie de Palestrina. Vous aurez éventuellement, si vous le souhaitez, la possibilité de consulter la bibliographie et de laisser tous les commentaires que vous auriez envie de faire. Et il y en a, et il y a même un certain nombre d'habitués, mais il n'y a pas que, bien sûr. J'espère que Palestrina, que nous retrouverons tout à l'heure, est, je dirais, une figure qui vous intéresse et peut-être vous fascine, comme certains d'entre vous. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est le disque que je vous propose maintenant, ou plus exactement, c'est l'œuvre que je vous propose. Une œuvre incroyable, je trouve. Elle date à peu près de 1566. Alors, à l'instant, les trois compositeurs que nous écoutions, je vous disais, c'était des cadets, hein, vraiment des cadets par rapport à Palestrina. Ils avaient 35 ans de moins. Ils étaient tous nés aux alentours de 1560. Eh bien, le compositeur que vous allez entendre, qui s'appelle Alessandro Striggio, est quant à lui presque le contemporain de Palestrina. Enfin, il a 10 ans de moins, mais il est décédé à peu près au même moment. Il a vécu pendant le XVIe siècle. Et Alessandro Striggio a laissé un fils, pas n'importe lequel, avec qui Claudio Monteverdi va travailler pour les livrets d'opéra, mais ça, c'est une autre histoire. Et il a laissé des œuvres religieuses incroyable. Et quand je vous ai dit il y a quelques instants que j'étais fasciné par ce que l'on va entendre, c'est un disque tout récent. Très franchement, lorsque j'ai préparé cette émission, je ne savais pas qu'il existait. Depuis, je l'ai découvert et je voulais vous le faire découvrir intégralement. Une messe absolument fascinante. Elle s'appelle Ecco si beato giorno. Elle date des années 1566 à peu près. Alessandro Striggio avait une trentaine d'années. Il est, le moins que l'on puisse dire, en pleine possession de ses moyens de compositeur. Il fait ce qu'il veut avec les voix, et pas seulement. Vous allez entendre l'ensemble I Fagiolini, dirigé par Robert Hollingworth sur France Musique. C'est donc Alessandro Striggio et cette Missa Ecco si beato giorno. Thank you. Thank you. Vous écoutiez une œuvre absolument incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez le dire, vous exprimer sur le site de l'émission Grand Compositeur. Vous écoutiez sur France Musique Missa Ecco si Beato Giorno, une messe qui date de 1566 et une messe avec un Agnus Dei final à 60 voix même, alors que la messe est à 40 voix. Alessandro Striggio. Une messe divine, ce n'est pas seulement moi qui le dis et ce n'est pas seulement ce que vous avez peut-être ressenti, mais c'est un d'entre vous qui écrit sur le site de l'émission « Une messe divine et pourtant je ne suis pas croyant, c'est pour dire merci de nous la faire découvrir et de nous faire découvrir ce bijou, mais se pose inéluctablement pour moi la question de savoir ce qui revient au génie de Striggio et ce qui revient à l'interprétation. » Je ne vous en ai pas encore parlé de l'interprétation. Le disque vient de sortir chez Decca, il vient d'avoir un diapason d'or et ça se comprend, hein, je pense que vous l'entendiez. Vous écoutiez l'ensemble I Fagiolini, dirigé par Robert Hollingworth. C'est d'ailleurs une œuvre récemment redécouverte d'un Striggio qui n'était pas forcément connu pour uniquement ses messes, mais je devrais dire davantage ses madrigaux. Il se trouve que Striggio était un homme d'une envergure sociale assez grande, hein. Quand même, le comte de Toscane, Côme Ier, le duc de Florence, l'avait envoyé comme émissaire à la cour d'Angleterre quelques mois après que Striggio ait composé ce que vous venez d'entendre. Et puis, il a été fait marquis, d'ailleurs. Il était grand chancelier de la cour des Gonzagues à Mantoue. C'est vous donner un petit peu l'importance du bonhomme. Disons que pendant près de 25 ans, à partir de 1560, il a été le principal compositeur à la cour des Médicis à Florence, voilà. Striggio était en plus un violiste extrêmement réputé. Alessandro Striggio, interprété par l'ensemble I Fagiolini pour vous sur France Musique. Je tenais absolument à vous faire, partager la découverte que je viens de faire en entendant cette messe et en découvrant ce disque tout récent. Retournons du côté de notre grand compositeur d'aujourd'hui. Décidément, la polyphonie est au cœur du XVIe siècle avec un délire de la part des musiciens. Hein. C'est à celui qui composera les choses les plus complexes, les plus belles, les plus aériennes. Allons du côté de la messe du pape Marcel de Palestrina. Une messe célébrissime là aussi et composée pour un des 11 papes que servit Palestrina. Il s'appelait Marcel II. Oh, il n'a pas régné très très longtemps, hein. Juste entre Jules III entre Clément VII, pardon, et un autre pape. Quelques mois à peine, les papes ont été très nombreux en cette période-là. Et en tout cas, Palestrina a composé cette messe en 1555, donc je vous la propose par les Thalys Scholars, dirigés par Peter Phillips. Je sais qu'il y a une très belle version signée Odécatone qui vient de sortir chez Arcana, mais je voulais proposer cette version-là. Lorsqu'il y a quelques mois, nous étions sur France Musique avec un grand compositeur qui s'appelle Palestrina, Pfitzner, et qui a écrit un opéra qui s'appelle Palestrina. Et en miroir, je vous avais proposé la messe du pape Marcel, mais cette fois-ci, je vous propose cette interprétation très particulière parce qu'elle a été donnée pour le quadricentenaire de Palestrina en 1994 pour se souvenir 400 ans après de la disparition du compositeur. Peter Phillips était à la tête de ses Thalys Scholars. C'était la messe du pape Marcel, enregistrée en 1994, c'est-à-dire l'année du quadricentenaire de la disparition du compositeur Giovanni Pierluigi da Palestrina. Une messe du pape Marcel pour vous cet après-midi sur France Musique par les Thalys Scholars, dirigée par Peter Philips. Que le pape Marcel repose en paix, écrit l'un d'entre vous sur le site internet. Heureusement que son règne fut très court, voire très très court, peut-être même le plus court qui soit, parce que je crois me souvenir qu'il avait dans ses projets de faire recouvrir le plafond de la Sixtine. Et dans ce cas, exit le chef-d'œuvre de Michelangelo, même si Palestrina eût pu toujours régner en maître des voix. Voilà quelques notes qui viennent directement du Miserere d'Allegri par le Taverner Consort dirigé par Andrew Parrott. Quelques notes pour évoquer la chapelle Sixtine. Si vous voulez en savoir plus sur les papes du temps de Palestrina, eh bien je vous ai mis la liste complète des 221e au 231e pape que Palestrina a bien connu. Nous le retrouverons demain en une année particulière, l'année 1582. D'ici là, portez-vous bien, enfin... d'ici demain, je veux dire, hein, bien sûr. Un très grand merci à Cindy Mpenteouche, à Michael Fontanias, à Nicolas Lafitte, à Anne Voisin et à Agnès Catou.